Vous écoutez donc Futur Simple 89.1 et nous commençons cette saison avec un sujet qui prend de plus en plus de place dans notre alimentation, ou peut-être qu'on veut lui en donner de moins en moins de place. Il s'agit du gluten, parce qu'on tend à vouloir le retirer. Donc des vedettes de télévision font la promotion de la diète sans gluten, les épiceries réservent une section pour les aliments sans gluten. Bref, ça semble être populaire de ne pas manger d'aliments qui contiennent du gluten. Alors c'est le sujet de Karine Gravel qui se propose de nous parler du gluten en se basant sur des données scientifiques récentes. Alors, bonjour Karine. Bonjour Valérie. Bien contente de te revoir en ondes avec nous. Moi aussi, je suis contente d'arriver. C'est ça, tu as fait une petite absence ce printemps, mais c'était pour terminer ton doctorat. Donc maintenant, tu es docteur. Est-ce qu'on doit t'appeler docteur Gravel? Ben, on pourrait le dire théoriquement, mais on peut m'appeler Karine encore. Ça va aller? D'accord. Oui. Je suis rassurée. Donc, dis-nous, Karine, c'est quoi exactement le gluten? Ben, le gluten, ça vient du mot latin glu, qui veut dire colle. Donc, en nutrition, on définit le gluten comme une masse de protéines qui est élastique et visqueuse et qui se trouve notamment dans les céréales comme le blé, l'orge et le seigle. C'est pas une liste exhaustive, mais bon, principalement. Et ce qui veut dire qu'on retrouve le gluten dans le pain, les pâtes alimentaires, mais aussi dans certaines charcuteries, aussi des sauces, des assaisonnements. Donc, on en retrouve à plusieurs endroits. Et le gluten, son avantage, c'est de donner une texture qui est moelleuse, surtout aux produits de boulangerie, en permettant aux ingrédients de bien se lier ensemble. Mais bon, petite parenthèse, curieusement, on peut aussi retrouver la mention sans gluten sur l'emballage de certains chocolats. Et ça, j'avoue que c'est plutôt douteux parce que le chocolat ne figure pas dans la liste des aliments susceptibles de contenir du gluten. C'est une certaine politique d'étiquetage un petit peu. Ça coûte pas cher de le dire. On met ça un petit peu partout, finalement. Ouais. Et donc, on entend beaucoup parler de la diète sans gluten, mais certaines personnes sont vraiment allergiques? Oui, ben oui, les personnes qui sont allergiques au gluten, elles ont la maladie cœliaque. Donc, c'est une maladie chronique de l'intestin qui est déclenchée là, quand la personne mange un aliment qui contient du gluten. Et bon, les symptômes digestifs peuvent être sérieux. On pense par exemple à des douleurs abdominales, des ballonnements ou encore de la fatigue ou une perte de poids. Donc, il y a plusieurs symptômes qui peuvent être à divers degrés. Je crois que c'est pas facile à diagnostiquer non plus. Non, c'est très difficile. Puis dans l'intestin, ben il y a une réaction immunitaire anormale qui se produit, ça crée une inflammation et ça endommage la paroi de l'intestin. Donc pour préciser comment ça se passe, donc l'intérieur de l'intestin c'est constitué de villosité et de microvillosité. Donc ça c'est comme des petites structures en forme de vague à l'intérieur de la paroi de l'intestin et c'est là où sont absorbés les nutriments. Et quand ces structures là ben peuvent être endommagés là quand on a la maladie cœliaque lorsqu'il y a présence de gluten dans l'intestin. Et si l'état inflammatoire persiste, mais la paroi de l'intestin endommagée peut devenir incapable là, d'absorber certains nutriments, vitamines ou minéraux. D'accord, donc on imagine qu'à ce moment-là, la personne peut avoir certaines carences alimentaires par rapport à ses vitamines ou ses minéraux. Oui, c'est ça. Si la personne avec une maladie cœliaque continue de manger du gluten puis que l'état inflammatoire persiste, là, le risque est très présent. Donc pour retrouver la santé puis éviter les carences alimentaires. Donc, les personnes qui sont atteintes de la maladie doivent absolument éliminer tout le gluten de leur alimentation et prendre plusieurs précautions aussi. Par exemple, on peut trouver du gluten dans certaines vitamines, dans des médicaments, même certains produits de beauté. Comme, c'est pas évident, Est-ce que c'est écrit dessus? Oui, c'est ça. Même comme des rouges à lèvres, des produits pour les cheveux. Donc, il faut vraiment... puis comme il y en a à plusieurs endroits, mais c'est très, très important là, de tout enlever. Heureusement, on a besoin de manger, mais se mettre du rouge à lèvres, c'est pas indispensable pour vivre, donc au moins il y a une solution si on n'est pas sûr. C'est ça. Est-ce que les causes de cette maladie sont connues? Bien, pas pour l'instant, pas entièrement en fait, mais on sait que c'est certain qu'il y a des facteurs génétiques et environnementaux qui sont impliqués dans l'étiologie de la maladie. Par exemple, auprès des personnes qui sont génétiquement prédisposées à la maladie cœliaque, l'intestin semble plus perméable pour plusieurs de ces personnes-là, mais encore là, pas toutes les personnes. Puis, on sait aussi que lorsqu'un membre de la famille proche est atteint de la maladie, la probabilité qu'on le soit aussi est environ 10 à 15 Donc, c'est assez présent. Et les chercheurs ont aussi identifié certains gènes présents auprès de plus de 95 là, des personnes atteintes de la maladie. Mais en même temps, c'est complexe parce que la maladie n'apparaît pas auprès de toutes les personnes prédisposées génétiquement. Puis il y a d'autres éléments aussi qui sont considérés là, dans le déclenchement de la maladie, comme par exemple, ça peut être une infection intestinale ou un traumatisme. Donc, on est vraiment en train de chercher là, les causes exactes. Et est-ce que on connaît la prévalence de cette maladie? Combien de personnes sont atteintes et comment on peut diagnostiquer ou établir un diagnostic? Bien, comme on disait tout à l'heure, le diagnostic de la maladie est assez complexe et les données concernant la prévalence fluctuent beaucoup selon les estimations, mais on peut dire que c'est environ 1% de la population là, qui est touchée par cette maladie-là, cette allergie au gluten. Est-ce que c'est quelque chose de récent aussi? Dans le temps, je pourrais pas. Ouais, non, je pourrais pas dire à partir de quel moment ça a été découvert. Puis concernant le diagnostic, mais ça se fait généralement en 3 étapes et toujours sous supervision médicale, toujours. Mm-hmm. Donc la première étape, c'est un prélèvement sanguin où on va tenter de détecter un taux anormalement élevé de certains anticorps qui vont refléter là, l'état inflammatoire. Ensuite, la deuxième étape, ben c'est une biopsie. On va faire un prélèvement de tissu dans l'intestin et pour vérifier l'état là, des villosités dans l'intestin, donc les petites structures en forme de vague dont je parlais plus tôt. Donc, on va vérifier si elles sont normales, partiellement ou totalement détruites. Puis, on va terminer par la troisième étape. Bien là, ça va être le fait de suivre une diète sans gluten qui va confirmer ou sinon infirmer le diagnostic de maladie cœliaque. Donc, si on pense être atteint de la maladie cœliaque, bien, c'est extrêmement important de suivre une diète sans gluten, mais sous supervision médicale pour pas rendre le diagnostic plus difficile à établir. Puis à ce moment-là, si on a une bonne indication, si les symptômes disparaissent, on a identifié le coupable. Exactement, parce que si on cesse avant de manger du gluten, puis on se présente chez le médecin, il peut y avoir une petite rémission à ce moment-là qui va faire que, parce que le diagnostic, des fois, il est très long à poser. Hein, des maladies inflammatoires dans l'intestin, il y en a plusieurs. Donc, ne pas suivre une diète sans gluten par soi-même parce que, bon, ça pourrait fausser les tests diagnostiques, c'est ce que je comprends. Oui. On entend aussi parler d'hypersensibilité au gluten. Est-ce que c'est la même chose? Allergie, hypersensibilité? Il y a une différence. Donc, dans le cas de la maladie cœliaque, on parle d'allergie parce que la personne a une réaction immunitaire. C'est une production anormalement élevée de certains anticorps. Et dans le cas de l'hypersensibilité, ben là, c'est encore plus compliqué. Les études disponibles pour l'instant permettent pas encore d'établir de critères diagnostiques précis. Puis la prévalence, ben il y a pas de chiffre non plus, c'est inconnu. Mais ce qui est présentement étudié pour l'hypersensibilité, donc on n'a pas d'anticorps anormalement élevés, mais on va retirer complètement le gluten de la diète là, suite à encore une fois une investigation médicale complète. Donc encore une fois, on ne se diagnostique pas soi-même. Et est-ce qu'une diète sans gluten est moins bonne ou meilleure pour la santé comparativement à une diète régulière? Oui. Donc, ça dépend hein, parce que ça va dépendre de la façon de la personne de s'alimenter. Donc, il y a certains aliments sans gluten qui sont raffinés. Donc, par exemple, on va prendre la farine de riz comparativement à la farine de blé. Donc, la farine de riz, il n'y a pas les fibres dedans. Ouais. Donc, à long terme, les aliments raffinés, donc ça, c'est juste un exemple, mais les aliments raffinés peuvent favoriser la résistance à l'insuline ou l'intolérance au glucose. Donc, ça, c'est sûr que c'est pas souhaitable à long terme. Aussi, si une personne mange presque toujours la même chose, peut-être par peur d'avoir des symptômes, bien, sa diète risque d'être monotone puis difficile à suivre à long terme. Mais à l'inverse, s'il y a une personne qui est allergique ou hypersensible au gluten, qui mange une variété de fruits, de légumes, de noix, de viande, de produits laitiers, à ce moment-là, la diète sans gluten va être très bonne pour la santé de cette personne-là dans sa condition. Donc, c'est toujours discutable, mais... Ça dépend par quoi on remplace ou qu'est-ce qu'on fait pour ne pas manger de gluten. Exactement. Quelles sont les solutions qu'on trouve. Oui. Et à partir des données scientifiques... toi, en tant que nutritionniste, quelle serait ta recommandation concernant l'alimentation sans gluten? Bien, de façon générale, je recommande d'être prudent envers les modes, hein, parce que là, on est un peu... parce qu'on a parlé des gens qui ont la maladie cœliaque ou qui font l'hypersensibilité, mais il y aurait comme une mode, c'est-à-dire que certains... qui ne présentent pas de symptômes, sont bien portants, qui n'ont pas de problème, mais qui tendraient à vouloir manger sans gluten. Étant donné, par exemple, les nombreuses sections dans les épiceries sans gluten, pour les personnes qui ont un problème, la maladie cœliaque ou une hypersensibilité, c'est génial parce qu'il y a plus de choix, un plus grand choix d'aliments. Par contre, pour les autres personnes qui n'ont pas de symptômes, je ne crois pas que c'est une bonne idée parce que on a tendance, de façon générale, à s'attaquer souvent un seul aliment, trouver un coupable ou un seul nutriment. Donc, ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est pas juste un nutriment ou un aliment qui peut être responsable de tous les problèmes. Si on se souvient bien, il y a quelques années, on recommandait de bannir les matières grasses. Après ça, c'est quelques années plus tard, c'était le pain, les pâtes, les patates qui devaient être évitées. Puis je pense qu'on a parfois la mémoire un petit peu courte. Donc, c'est pour ça que je parle de mode à ce moment-là. Bon, évidemment, si on retire plusieurs aliments de base de sa diète et qu'on ne les remplace pas par d'autres aliments, donc on risque de perdre du poids puis de se sentir mieux dans plusieurs cas. Donc, c'est pour ça souvent que il y a des gens, entre autres, qui adhèrent à ce type de diète-là. Bon, bien sûr, puis je le disais tout à l'heure aussi, en présence d'une allergie ou d'une hypersensibilité au gluten qui est diagnostiquée, on doit retirer toute forme de gluten de son alimentation sous supervision médicale, ça c'est certain. Puis, dans une situation aussi où on soupçonne une allergie ou une hypersensibilité au gluten, bien, on consulte un médecin puisque dans tous les cas, l'autodiagnostic puis le fait de suivre une diète sans gluten par soi-même, ça risque de rendre encore plus difficile le diagnostic de la maladie si elle est présente. Et bien, pour conclure tout ça, il y a une position récente là, qui a été prise par l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, donc mon ordre, et aussi le Collège des médecins, donc c'est du Québec, c'est un partenariat, qui indique que la diète sans gluten n'est pas plus saine que l'alimentation basée sur les recommandations nutritionnelles de Santé Canada, donc celle qu'on connaît, le Guide alimentaire canadien, et que la diète sans gluten ne permet pas de prévenir non plus l'apparition des maladies liées au gluten, qu'on soit le prédisposé ou non. Donc, si je comprends bien, pour ceux qui n'ont pas d'hypersensibilité ou d'allergie, ce n'est pas synonyme d'une diète santé. Non, c'est pas indiqué. Non, c'est pas ça. Indiqué. Ouais, ouais. Et si on soupçonne bon, une hypersensibilité ou une allergie, surtout, on consulte, on fait rien par soi-même. C'est ce qu'on retient, mais oui. Merci voilà. beaucoup, Karine. Ça m'a fait plaisir. Très informatif. Merci. Voilà un peu mieux éclairé. Alors, on va faire une petite pause musicale sur CKRL et au retour, on vous parle d'antioxydants.